Madame la Ministre, nos concitoyens assistent médusés à la dégradation des relations que vous nouez avec votre Premier ministre. Il y a un an, vous étiez au premier rang des frondeurs au Congrès de La Rochelle. Depuis, vous avez, à mots à peine couverts, contesté le projet de loi Macron. Vous avez critiqué le projet de loi renseignement. Mais la semaine dernière et ce week-end, vous avez franchi, Madame la Ministre, une étape supplémentaire dans la provocation à l'égard du Premier ministre. Vous n'avez pas hésité à lancer un ultimatum à votre Premier ministre pour le contraindre de présenter le projet de loi sur la délinquance des mineurs que vous portez et que vous voulez porter. J'ai envie de vous demander jusqu'où irez-vous, où vous voulez aller, que cherchez-vous? Est-ce que finalement, derrière ces provocations, derrière cet ultimatum inédit sous la Ve République, ne se cache pas un marchandage politicien? Est-ce que par ces critiques, vous ne voulez pas contraindre le président de la République à vous faire quitter le gouvernement en vous nommant à la présidence du Conseil constitutionnel, ce qui serait un scandale politique? Merci. La parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci. Merci, monsieur le Président. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur le député Éric Ciotti, j'avoue que malgré toutes ces années passées, vous conservez pour moi quelque chose de mystérieux. Je me demande si, lorsque vous affirmez certaines choses, vous y croyez vraiment. Alors, si c'était du temps de ma fringante jeunesse, j'aurais supposé un sentiment contrarié. Mais cet hémicycle tout entier a déjà constaté à quel point je vous obsède dans toute votre expression publique avec une constance qui appelle quand même l'admiration. Alors, c'est aussi la première fois que le Premier ministre aurait besoin d'un défenseur. Compte tenu de sa personnalité, de son courage, de son autorité, nous avons du mal à comprendre qu'il pourrait non seulement avoir besoin d'un défenseur, mais en plus à le trouver dans ces rangs-là. Alors, votre perturbation vient de la justice des mineurs. Oui, monsieur le député, la majorité que vous avez soutenue pendant deux quinquennats a considérablement perturbé l'ordonnance de 45. Avec 37 modifications, cette ordonnance est devenue illisible, incohérente, et vous vous livrez à un exercice solitaire lorsque vous prétendez qu'elle était efficace. Monsieur le député, ce sujet extrêmement important, et tous ceux qui sont concernés le disent clairement, que ce soit les magistrats et les professionnels de l'enfance, que ce soit les élus locaux qui plaident contre pour un terme à cette incohérence et cette illisibilité, que ce soit bien entendu les victimes qui en ont assez d'attendre des procès trop tardifs, nous allons effectivement améliorer les choses et nous n'avons pas besoin de votre secours. Merci, madame. Merci. Il est 7h12. Le plus de Matin Première s'intéresse à la manière dont l'Europe gère l'immense crise migratoire. Il y a un exemple qui intéresse beaucoup de monde en ce moment, c'est l'exemple danois qui a voté une loi qui autorise les policiers à confisquer les biens des réfugiés qui arrivent. Le gouvernement danois explique que ça va servir à payer la nourriture ou l'hébergement des réfugiés. Autre mesure prévue par cette nouvelle législation, les demandeurs d'asile vont désormais devoir attendre 3 ans avant de pouvoir espérer le regroupement familial. Ensuite, la procédure pourra prendre encore plusieurs années. Voici le reportage de l'envoyé spécial de Radio France au Danemark, Alice Serrano. Abdelkader est abasourdi. Ce maçon syrien vit depuis 6 mois dans cet ancien hôpital transformé en centre de réfugiés, avec l'espoir de faire venir sa femme et ses 4 enfants restés en Turquie. Il vient d'apprendre qu'il devra attendre 3 ans. Comment ma famille va-t-elle vivre en Turquie pendant 3 ans sans moi? On n'a pas d'argent, mes enfants ne peuvent pas aller à l'école. Avec ma femme, ils nettoient les voitures, vendent des babioles dans la rue pour survivre. Cette mesure vise à nous détruire. Abdelkader est amer. Comme beaucoup de demandeurs d'asile ici, il est déçu par ce pays qu'il imaginait accueillant et tolérant. Cet allongement du délai du regroupement familial pour certains demandeurs d'asile inquiète Eva Singer, l'une des responsables du centre danois pour les réfugiés. C'est clairement une violation de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit le droit à la vie de famille. Une violation aussi de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. En plus, cette mesure est contre-productive, avance Eve Singer. Selon elle, les réfugiés ne s'investissent pas complètement dans l'apprentissage d'une langue ou dans la recherche d'un emploi s'ils savent que leur famille est potentiellement en danger. Mais le gouvernement balaye toutes les critiques. Il tient avant tout à décourager l'arrivée de nouveaux migrants. Philippe Hensman est avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'Amnesty International Belgique. Quel est votre sentiment quand vous entendez le témoignage qu'on vient d'écouter? Je pense qu'il y a un porte-parole du gouvernement qui l'a dit de façon très claire hier. Hein. Ce qu'on veut, c'est éviter que les gens qui viennent, des réfugiés qui viennent au Danemark, point. Le reste sont uniquement des mesures qu'ils ont prises dans cette direction-là. Ce qui est aberrant, bien entendu, parce que c'est pas ça qui va faire changer les choses de façon globale. Et puis ensuite, on devine tout de suite que si on autorise des gens à venir dans son pays et qu'on saisit leurs biens, les derniers biens qu'il leur reste, ça veut dire que c'est de l'argent qui ne sera pas réinvesti dans l'économie locale. D'un strict point de vue économique, c'est une aberration. Et deuxièmement, c'est quelque chose qui ne leur permettra pas de s'intégrer plus facilement dans la société. Et enfin, c'est quelque chose qui va les empêcher d'envisager un retour plus serein dans leur pays le jour où les choses iront mieux. Donc ça, c'est une première chose. À côté de ça, bien entendu, c'est en contradiction avec beaucoup de règlements internationaux. Le HCR, hein, le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, l'a dit assez clairement. C'est contradictoire avec la Convention. C'est contradictoire aussi avec la Convention sur les droits de l'enfant, parce que empêcher le regroupement familial, ça veut dire qu'on va séparer des familles complètes, et que là, évidemment, par rapport aux droits de l'enfant, il y a une contradiction certaine. Voilà, on met tout ça ensemble et on se rend compte que aujourd'hui, on est en train de se permettre tous les dérapages. C'est plus seulement dans les cas de terrorisme qu'on peut se permettre a priori d'aller au-delà des conventions, des traités internationaux, des règles de base du droit normal, mais y compris lorsqu'il s'agit du droit des réfugiés. Alors on frappe fort depuis quelques jours sur le Danemark, mais est-ce que tous les pays européens ne sont pas concernés? Est-ce que ce n'est pas l'opération dégoûtons au maximum les réfugiés, chacun avec des paliers, des stratégies différentes? La Belgique qui envoie des messages Facebook vers les Irakiens en disant venez pas chez nous, ça ne sert à rien. Enfin, est-ce que ce n'est pas l'opération restez chez vous ou rester dans des camps loin de chez nous? Oui, tout à fait. Et je pense que, pour reprendre une image, l'Union européenne n'est même plus un cargo comme le Titanic qui est en train de couler tout doucement face à une crise qui n'est pas capable de gérer. Ce sont 27 radeaux de la Méduse qui sont tous en train de s'éparpiller et sans qu'il y ait aucune politique commune. On devine tout de suite. Et je pense que la colère de Louis Michel était liée à ça aussi. La colère devant le Parlement européen. C'est pas seulement par rapport à des valeurs, c'est aussi par rapport tout simplement à l'avenir de l'Union européenne qui ne peut s'en sortir que s'il a une politique commune face à une situation comme celle-là. Lorsque vous fouillez des bombardements, des fous furieux qui égorgent votre famille si vous respirez différemment qu'eux, hein, et tout ce genre de choses, que vous savez que vous allez mourir si vous restez dans votre pays, eh bien, vous êtes prêt à tout. Il y en a 3500 qui sont morts en Méditerranée en essayant d'échapper à la mort dans leur propre pays. Donc tous ces gens veulent venir, ils sont en train de geler de froid au front de la Grèce, hein, en Macédoine pour le moment. Tous ces gens sont prêts à mourir pour venir. Il est clair qu'il faut une réponse adaptée à ça. Et l'Union européenne, si elle se met ensemble, a les moyens. Et je l'ai dit plusieurs fois déjà ces derniers temps, la politique par rapport aux réfugiés, c'est probablement le meilleur outil d'analyse de ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui, c'est-à-dire rien qui est décidé au niveau central, rien qui est décidé ensemble, mais une série de décisions qui sont prises dans les capitales plic-ploc avec une poussée populiste là derrière. C'est extrêmement dangereux. On voit bien ce que ça donne parce que ce qui avait été élaboré, Schengen et le règlement de Dublin, Schengen qui permet à tous de circuler librement dans l'Union européenne, Dublin qui faisait en sorte qu'un même réfugié ne pouvait pas demander le droit d'asile dans 5 pays différents, tout ça est en train d'exploser parce que c'était pas adapté à des situations comme celle-là. Et c'est là qu'on a besoin d'hommes politiques européens et de femmes politiques européennes européen qui ait une vraie stature. Pour vous, le projet européen est menacé? Il est menacé et Cohn-Bendit disait dans le soir aujourd'hui, c'est peut-être une crise dont l'Union européenne sortira grandie à condition qu'elle s'en sorte et qu'il y ait des hommes politiques qui pensent, comme disaient mes collègues hollandais lundi au moment de la réunion des ministres de la Justice et de l'Intérieur, arrêtez de penser au sondage, pensez d'abord à l'histoire, écrivez l'histoire aujourd'hui. Si les hommes politiques européens ne sont pas capables d'écrire une histoire qui va intégrer cette crise migratoire, on va disparaître. Le Liban, c'est un pays de 3-4 millions d'habitants qui absorbe 1 million de réfugiés. Plus d'un million, oui. Plus d'un million de réfugiés, c'est-à-dire quasiment un quart de sa population aujourd'hui. Comment l'Europe ne peut pas faire un effort comme le Liban? Est-ce que les camps de réfugiés, c'est juste bon pour les pays lointains, les pays en développement? Ce qui est déjà le cas, on compte 19 millions de réfugiés dans le monde. Il y en a à peu près 1 million qui est arrivé en Europe sur les 2 dernières années. Et le Liban, comme vous dites, a 1,5 million de réfugiés, sans compter les réfugiés palestiniens qui étaient déjà là avant. La Turquie en a probablement 2 millions et la Jordanie aussi un beau paquet. Et donc c'est clair, et on a dit d'ailleurs, l'Union européenne a d'ailleurs dit récemment, on va prendre des mesures, on va investir du fric pour aider aux camps. L'argent n'est toujours pas là. On avait dit on va financer les causes d'immigration, hein, lutter contre les causes d'immigration. Il y a encore 1 milliard qui manque. Bref, même lorsqu'on prend des mesures comme celles-là qui sont censées aider ces pays-là, même l'argent là n'arrive pas. Mais il n'y a pas un problème de contexte politique en ce moment, parce que l'Allemagne, elle a déjà fait des efforts par le passé, notamment pendant la guerre des Balkans. Exactement, mais donc on a la capacité. La France a absorbé, entre guillemets, 72 000 demandeurs d'asile en 2015, c'est-à-dire rien. Elle en avait adopté 150 000 en 79 au moment des Boat People. Hein. La Belgique a intégré 42 000 demandeurs d'asile en 2000, c'est-à-dire plus qu'en 2015. Donc, comme je dis souvent, c'est une crise du management de l'accueil des réfugiés, non pas une crise des réfugiés. Nous avons les moyens, il y a 500 millions d'habitants dans l'Union européenne, il y a 1 million de personnes qui veulent rentrer, il y a moyen certainement d'organiser ça correctement. On a l'impression que le gouvernement belge reste au balcon par rapport à notamment ce qui se passe au Danemark. Qu'est-ce que vous demandez? Oui, le gouvernement belge dit en général, nous avons notre propre quota, nous avons un tel quota, etc. C'est vrai, c'est pas vrai, c'est-à-dire que quand on voit aujourd'hui qu'on met dans des centres fermés des jeunes, hein, parce qu'ils sont accusés de quelque chose et qu'ils doivent prouver leur innocence, hein, au lieu qu'on doive prouver leur culpabilité, ça montre aussi que il y a une manière de voir les choses qui ne va pas dans le sens d'un projet politique global au niveau belge et européen qui intègre la question du droit d'asile, qui fasse en sorte qu'on s'en sorte de façon par le haut, je dirais plutôt que par le bas, parce qu'au plus on cède la place au populisme, au plus celui-ci va remplacer la pensée politique aujourd'hui. C'était Philippe Hensmans, l'inquiétude du patron d'Amnesty International concernant le projet européen. Ça fait suite à cette décision danoise de prendre les biens des réfugiés, et puis au coup de colère aussi de Louis Michel hier au Parlement européen. Vous n'aimez pas qu'on parle de la Hongrie, vous n'aimez pas qu'on parle de la Pologne, et aujourd'hui vous n'aimez pas qu'on parle de la parce que ça vous met mal à l'aise. Et ça, c'est scandaleux. Ce que vous avez organisé n'est pas un débat démocratique. Ce n'est pas un débat démocratique. Vous devriez être honteuse. Micro ouvert dans un endroit que je ne connaissais pas, mais c'est pas vraiment ça que j'aurais aimé discuter. C'est plutôt d'un monsieur qui s'appelle Sébastien. Il va se présenter lui-même, mais c'est surtout un projet qui s'appelle Jorsala. Avec l'idée de marche comme ça, un peu dingue, sur la terre, là. Mais j'ai ici, en face de moi, le dingue, qui, entre autres, fait parler de lui avec une marche qui partait de Gand jusqu'à Jérusalem. Voilà, commence comme ça, mais petite présentation de toi, que tu as envie de dire pour commencer avant tout. Et finalement, on est peut-être tous des marcheurs, dans le sens où... le plus long chemin qu'on peut parcourir dans une vie, c'est pas d'aller d'ici jusqu'au coin de la rue chez le boulanger ou plus loin, mais c'est un chemin de la tête au cœur, quoi. C'est 30 cm et ça, c'est autrement plus compliqué que n'importe quelle marche au long cours. Alors, voilà, oui, mon nom c'est Sébastien Sébastien Defaux, et je suis originaire de Gand avec un père wallon et une mère flamande, et il se fait qu'il y a 11 ans déjà, je suis parti à pied de Gand jusqu'à Jérusalem Pourquoi Jérusalem ? Parce que c'est une ville emblématique, ça devrait être la ville de la paix, de l'unité, mais bon, malheureusement, on y est loin. Dire pourquoi tu souhaiterais que cette ville soit une ville de paix ? Ben, moi, je pense tout de suite aux trois religions qui sont réunies. Oui, voilà, c'est la ville des trois grandes religions du livre, mais c'est quelque part aussi où le nord rencontre le sud et l'est rencontre l'ouest. Donc c'est vraiment un lieu de convergence, un lieu où des tas de populations, des tas de enfin, et trois grandes croyances se rencontrent. Au travers de la figure de Mahomet qui est monté aux cieux avec l'ange Gabriel d'après l'islam, d'après le judaïsme c'est là que le Messie va venir et d'après le christianisme c'est là que le Christ est mort et est ressuscité. Donc c'est un lieu qui est très symbolique, très important pour beaucoup, beaucoup de monde. Et donc c'est là où on prie sans doute le plus Dieu dans les trois grandes religions du livre, mais c'est là aussi quelque part où les oppositions sont les plus visibles, parce que les lieux de culte sont très divisés. Pour y arriver, pour aller d'un lieu de culte à l'autre, eh bien, il faut passer par beaucoup de checkpoints, et donc c'est un lieu de division aussi. Et ce que je trouvais intéressant, c'est pour arriver à ce lieu symbolique et réel, eh bien, il fallait aussi. Enfin, j'avais envie d'y aller physiquement, parce que physiquement, c'est comme si c'était un voyage au travers de ses propres fractures, au travers de ses propres résistances, au travers de ses propres peurs. Et puis, je voulais aussi le faire pratiquement, enfin, sans moyens techniques. Je voulais vraiment y aller à pied, parce que là, on est dans la plus grande fragilité. Et c'est avec cette fragilité que j'avais envie de frapper à la porte de l'humain, quoi. Et donc, toute l'Europe, je l'ai traversée avec juste 50 euros, parce que tous les jours, je rencontrais les bonnes personnes. Et ce qui était quand même très particulier, c'est qu'à chaque fois que je m'approchais d'une frontière, on me mettait en garde pour le prochain pays. On me mettait en garde pour la prochaine population, religion, en me disant attention, là ça va être terrible, là tu vas vivre la terreur. Si j'étais toi, je louerais les services d'un homme armé, d'une Kalachnikov, parce que c'est un pays d'assassins, etc. Donc j'ai vraiment tout entendu, quoi. Pourquoi en fait, pourquoi ça se passe comme ça? Parce que l'étranger ou le voisin, on le connaît pas, donc il fait peur. C'est ça que ça voulait dire? Ben, j'imagine. Déjà, quand je traversais la forêt de Soignes et que je m'adressais en français à une personne au bout de la forêt de Soignes, en m'approchant de la Flandre, on me répondait en néerlandais. Ah, mais monsieur, ici, on parle pas le français, on parle néerlandais. Bon, ben, j'ai un problème. Donc, on va vous faire en Nederlands. Et ainsi de suite. Donc, déjà, voilà, quand j'étais arrivé en Autriche et que je racontais que j'allais traverser la Hongrie, on me disait « Ah, en Hongrie, c'est un pays où on n'aime pas les étrangers, il ne faut pas y aller. » Et quand j'étais arrivé en Hongrie, que je racontais que j'allais traverser la Croatie, on me disait en Hongrie « Ah, mais en Croatie, il y a eu la guerre, il ne faut pas aller par là, il y a encore des mines, etc. » Et puis quand j'étais enfin arrivé en Croatie, que je racontais que j'allais traverser la Serbie, on me disait « Mais si j'étais toi, eh ben, je louerais les services d'un homme armé, d'une Kalachnikov, parce que la Serbie, c'est vraiment un pays de malfrats, c'est vraiment un pays dangereux qui craint. » Et étonnamment, à chaque fois que j'arrivais dans cet autre pays, eh bien, à chaque fois j'étais accueilli dans des familles où les parents veulent le meilleur pour leurs enfants aussi. Et donc c'était étonnant parce que voilà, ça n'a été qu'une traversée de suite de divisions, de positions, de fractures, donc au niveau religieux, identitaire, politique, ethnique. Quand j'étais arrivé par exemple en Roumanie et que je traversais le sud du pays, quand je m'approchais du Danube, sont des régions où il y a beaucoup de Roms. Eh bien, les Roumains me disaient « Ah, attention, tu vas traverser des régions où il y a des Roms, ils vont te voler, etc. » Or que, bon, j'ai passé des fêtes extraordinaires en écoutant leur musique, leur chant, enfin, c'était extraordinaire. Et puis, évidemment, m'approchant de la Turquie, là, ça allait être l'islam. Quand j'étais dans le haut plateau d'Anatolie, là, attention, parce que je m'approchais de régions kurdes. Et une fois que je m'approchais d'Antakya, l'ancienne Antioche, à 60 km de la frontière syrienne, eh bien là, c'est attention, tu vas arriver en terre arabe, ça craint, n'y va pas. Et puis en plus, voilà, la Syrie faisait partie de cet axe du mal, comme on le disait, avec des gens tellement dangereux. Et puis, de fait, moi, quand j'étais arrivé en Syrie, c'était évidemment avant la guerre. Partout, c'était des rencontres extraordinaires. J'étais accueilli tantôt chez des druzes. Il y a 10 ans de ça, alors. Hein? Il y a 10 ans, c'était avant le début de la guerre. C'était 5 ans avant le début de la guerre. Et 5 ans avant le début de la guerre, j'étais loin de penser que ce pays tellement beau, avec des gens extraordinaires, où on m'expliquait que lorsque deux Syriens se rencontraient, on ne parlait jamais de religion, parce que c'était une affaire privée, eh bien, moi, ça me pose question quand je vois à quel point maintenant, c'est un pays qui est traversé par la haine, c'est non pas une seule guerre qui s'y joue, mais c'est une multiplicité de guerres en toutes sortes, horribles, enfin, où le déchirement, l'éclatement est à son apogée. Donc voilà, et pourtant c'était le pays qui, moi, m'avait le plus frappé, le plus marqué par sa beauté, la gentillesse des gens, l'accueil. Tous les soirs, j'étais accueilli chez des gens qui prenaient plaisir à me poser des questions, d'où je venais, pourquoi je faisais ça. On me demandait si je n'avais pas peur, moi, l'occidental, de marcher là, seul en Orient. Et on me disait aussi qu'autrefois, les gens marchaient énormément. Mais maintenant, quand les familles avaient un peu d'argent, bien, on s'achetait une moto ou une voiture. Et que ceux qui marchent actuellement, c'était des gens extrêmement pauvres. Et étonnamment, moi, l'occidental, eh bien, je faisais référence à l'Occident très riche, arrogant parfois aussi, et où on roule avec des très belles voitures. On ne comprenait pas non plus pourquoi, moi, l'occidental, je marchais. Et à partir du moment où j'expliquais ma démarche, on me disait « Ah ben tiens, mais tu es un hajj, un pèlerin ». Donc du coup, un des piliers de l'islam, c'est l'accueil du pèlerin. Donc partout, on m'accueillait un peu comme le fils prodigue, quoi. Et c'était vraiment exceptionnel de traverser ce pays qui connaît une histoire millénaire, où Damas, la capitale, est une capitale depuis 4 ou 5 000 ans, je pense. Et enfin, voilà, quand j'ai traversé cette Syrie splendide qui est maintenant dévastée, et quand j'expliquais que j'allais vers la Jordanie, on me regardait un peu bizarrement aussi, parce que la Jordanie, ben voilà, c'est plus la Syrie. Et enfin, en Jordanie, quand j'expliquais que j'allais vers Israël, là, j'avais l'impression d'aller vers l'ennemi. Et une fois que j'étais en Israël, eh bien, je voulais traverser la Cisjordanie. Là, impossible à traverser, parce qu'il y avait un mur qui séparait ces deux mondes qui ne se rencontrent pas. Et au cœur de ce monde, de ces deux mondes qui ne se rencontrent pas, j'avais rencontré justement un jeune juif, Daniel était son nom. Il venait d'avoir 18 ans quand je l'ai rencontré. C'était un jeune militaire qui doit faire pendant 3 ans son service militaire. Et il m'expliquait que l'année dernière, il était arrivé à sa dernière année au lycée. Et il était assis à l'arrière du bus un soir en rentrant chez lui, lorsque soudain il a senti une explosion, une détonation, il est tombé en syncope. Et lorsqu'il est revenu, Daniel m'expliquait qu'il était recouvert de bouts de corps déchiquetés, de tôles fracassées, de sang. Et il m'expliquait que c'était un des seuls survivants d'un attentat suicide dans un bus, et que là maintenant, pendant 3 ans, il doit faire son service militaire, et les femmes doivent le faire pendant 2 ans et demi. Et puis voilà, j'étais accueilli tant chez des Palestiniens que chez des Juifs. Et quand j'arrivais dans des villages palestiniens, on m'accueillait. On me donnait des biscuits, du thé, etc. On m'encourageait. Malheureusement, du côté israélien, la situation était tout autre parce que quand j'arrivais dans une ville ou un village avec mon sac à dos, eh bien, on me fuyait parce qu'on se disait que peut-être dans mon sac à dos, il y avait des explosifs. Et donc, jusqu'au bout du bout, eh bien, cette peur de l'autre était palpable. Mais en revanche, quand j'y suis arrivé, c'était étonnant parce que j'y suis arrivé le jour de la Rosh Hashana, c'était la nouvelle an juive. Quand tu es arrivé où ? À Jérusalem, après 184 jours de marche, c'était la nouvelle an juive, c'était un jour très important pour les juifs. C'était également le dernier jour du Ramadan, et pour les catholiques, c'était le jour des anges gardiens. Donc en fait, c'était un jour qui était très important pour les trois, enfin pour les catholiques et les musulmans et les juifs. Et ce jour-là, ben, j'ai sorti un petit caillou que j'avais ramassé à Dachau, où j'étais passé par hasard, le jour où on fêtait les 60 ans de la libération du camp d'extermination de Dachau. Et voilà qu'aujourd'hui, j'arrive en ce jour très, très important pour les Juifs. Et au moment où je m'apprête à le déposer dans une des anfractuosités du mur, je rencontre une femme qui était très belle, et elle me demande ce que j'étais en train de faire, et lorsque je lui expliquais ce que je faisais, bien, il y avait ses yeux qui se remplissaient de larmes, et elle m'expliquait qu'elle était la petite fille d'un officier allemand qui avait servi Hitler pendant la guerre, dans la région de la Bavière, là où j'avais ramassé le petit caillou, dans le camp de concentration de Dachau. Et qu'aujourd'hui, ben, elle allait entrer définitivement dans un monastère, je pense. Cette femme, elle allait entrer dans un monastère, elle avait de l'huile sacrée, et on a plongé ensemble le petit caillou dans cette huile sacrée, on a pensé, médité ou prié pour les trois grandes religions du livre, pour les fautes du passé, les fautes du présent et les fautes du futur, elle est partie du côté des femmes, et moi je me suis frayé un chemin du côté des hommes, et puis j'ai déposé le petit caillou de Dachau dans l'anfractuosité du mur. Et au moment où j'ai déposé le petit caillou dans le mur, j'ai eu l'impression que le pèlerin en moi avait accompli sa mission. Et c'était très beau parce qu'à ce moment-là, j'ai senti sur mon épaule une main se poser. Je me suis retourné, j'ai vu un juif orthodoxe qui me regardait avec intensité. Et lorsqu'il a tendu sa main vers la mienne, et moi j'ai évidemment mis la mienne dans la sienne, ma main qui dégoulinait encore de cette huile sacrée, eh bien, quand nos mains se sont rencontrées, j'ai vraiment eu une impression que le bout du chemin était arrivé. Or que le chemin n'est jamais vraiment arrivé, enfin, jamais, pardon, fini. Il ne fait que commencer, quoi. Ben oui, je rebondis, le chemin, il est surtout dans la tête aussi, j'imagine. Hein. Mais Sébastien, waouh, hein, tu démarres tout de suite, on te suit là, ça y est, on est à Jérusalem avec ta marche. Mais dis-moi, j'ai plein de questions évidemment, mais combien de jours de Gand jusqu'à Jérusalem ? 184 jours en tout. C'est pas beaucoup ça ? Non, et en tout je suis parti 184 jours et j'ai pas marché tous les jours non plus évidemment. J'ai dû marcher sur les 184, j'en ai dû marcher 150 je pense. Je ne les ai pas vraiment comptés, 150, 155, parce qu'évidemment, c'est long. J'ai traversé le haut plateau d'Anatolie et c'est 1400 km de terre aride où il y a des routes qui vont jusqu'à 15-20 km en ligne droite. Il n'y a pas de courbe à gauche, pas de courbe à droite, ça va toujours tout droit. Tu as l'impression juste de faire du surplace et tu as presque l'impression de marcher à l'intérieur de toi. Il n'y a aucun élément dans le paysage qui te fait comprendre que tu avances physiquement. Donc là, tu vas à la recherche de points de référence intérieurs. Et là, c'est un peu comme une psychanalyse. C'est comme si, à tout ton passé qui te saute à la figure, pas de point de fuite, pas de smartphone, pas d'Internet, pas de Facebook, pas de copains ou copines à qui appeler, tu es juste face à tes propres démons et tu as l'impression que du paysage surgissent tes propres démons. Quoi. Mais un jour, un ami bouddhiste m'a dit, si tu restes avec les deux pieds sur terre, tu n'avances pas d'un pas. Et évidemment, là, les pas, les marches que tu poses t'aident à traverser toutes tes propres résistances et rejoindre quelque part le lieu intérieur où la paix est. où il y a cette paix qui est en nous et qui ne demande qu'à surgir, mais qui est parfois contrainte par nos propres résistances, quoi, et qui nous empêche aussi d'aller vers l'autre. Donc en fait, c'est rien d'autre qu'une marche vers l'autre, vers cet autre moi qu'on retrouve dans ce musulman, dans un village, ce juif, dans un autre village encore. Enfin, donc, quelque part, je me suis rendu compte que si je suis dans le refus de cet autre, eh bien, je manque une occasion d'amener de la lumière en moi, quoi, et de mieux apprendre à me connaître, et je manque une occasion de déconstruire mes propres résistances qui m'empêchent d'être en lien avec le monde qui m'entoure dans toute sa complexité, quoi. Oui, et à t'entendre, c'est pas obligé de faire grand Jérusalem pour s'ouvrir à l'autre, hein. Il y a ça, c'est surtout... Donc il y a 10 ans de ça, mais t'as quel âge alors du coup ? Alors j'en ai... Attends, laisse-moi compter. Oui, j'en ai 42. T'en as 20 à l'époque là... J'avais 31-32 ans, quoi. Mais qu'est-ce qui, c'est ça aussi pour essayer de comprendre, c'est qu'est-ce qui t'a pris, pourquoi Gand, Jérusalem, mais quoi, tu es croyant, qu'est-ce qui t'a pris, quoi, pourquoi faire ça, t'as une déception amoureuse, voilà, c'est quoi un petit peu le fil conducteur avant d'y aller, quoi, je sais pas, t'es chercheur sur l'être humain, ou qu'est-ce qui s'est passé, quoi, pourquoi cette idée en fait? En fait, je crevais d'envie d'aller un jour à Jérusalem, mais j'ai une frousse bleue de l'avion, donc je me suis dit, je ne vais pas y aller en avion, je vais y aller à pied, quoi. Mais bon, il y a d'autres raisons aussi. En 98, j'étais déjà parti à pied à Compostelle, et puis ce voyage-là, c'était un voyage en direction de l'ouest, vers là où le soleil se couche, et ça a été un voyage vraiment extraordinaire, parce que pour la première fois de ma vie, je me suis rendu compte de l'importance de l'instant présent. Et j'ai eu envie de continuer cette démarche de recherche de l'instant présent, mais quelque part aussi de ma propre culture, en fait. En 2000, je suis parti à pied à Rome, parce que je trouvais que c'est intéressant d'aller vers cette ville-là qui symbolise aussi le christianisme, qui est quand même une réalité dans notre monde aussi. Et c'était un voyage en direction du sud, vers là où le soleil se trouve à son point culminant. Et au fait, petit à petit, je me disais, bah, tiens, j'étais en direction du couchant, j'étais en direction du zénith, et ce serait peut-être intéressant d'aller en direction du levant, quoi, en direction de l'Orient. Et moi, ce que je trouvais surtout intéressant, c'était la façon d'y arriver, et la façon la plus naturelle, la plus simple, bah, c'est vraiment la marche, qui permet de, enfin, où tu peux pas te fuir au long cours, quoi. Et donc qu'est-ce qui m'a poussé vers ces périples, ben c'est quelque part aller à la recherche d'un peu plus d'unité intérieure. Et c'est étonnant parce qu'au début de chaque marche, j'avais vraiment toujours l'impression que j'étais divisé entre ce que je suis en tant que personne unique et puis d'autre part la projection de l'idéal de moi-même qui doit correspondre à des images sociétales qui se nourrissent d'images, de publicités, tu dois être ça, etc., patati patata. Et j'avais toujours l'impression qu'entre les deux, il y avait un grand fossé, un grand vide dans lequel s'installe la peur. Et au début, dans cet état de peur, je me sentais très vulnérable et je me sentais très... accessible au danger. Enfin, c'est comme si là le danger pouvait me toucher. Et au travers de cette démarche, de traverser de paysages, de rencontres, j'avais l'impression qu'au fur et à mesure que ces rencontres se faisaient, eh bien, la distance entre moi et moi-même devenait de plus en plus petite, jusqu'au moment où à de brefs instants, tu as l'impression de te frôler. Ou de frôler le divin, quoi. Mais bon, ce sont des moments très éphémères. Tu t'es rendu compte de que cet instant présent est habité, ben c'est tellement évanescent que à peine tu t'en es rendu compte, ça t'a déjà quitté, quoi. Mais bon, donc tout ça, ces petits moments où tu goûtes à la densité de l'instant présent qui est habité. Te donne envie de continuer cette démarche, quoi, cette démarche qui est avant tout intérieure, mais qui se fait aussi dans des paysages extraordinaires que tu traverses. Et puis, et ce qui est assez incroyable, c'est que les paysages que tu traverses, ben, c'est comme si c'est l'écho de paysages intérieurs, quoi. Et ça, c'est magnifique, quoi, parce que tu traverses des paysages intérieurs qui sont d'une beauté insoupçonnée, mais que tu n'auras jamais pu découvrir quand tu restes à la superficie de ta propre vie, quand tu te laisses happer par toutes ces choses qui ne demandent que à te happer, tout le divertissement à outrance qui m'empêche de rentrer dans un vrai lien à l'autre, quoi. Oui, il faut pouvoir... je réagis, là, du tac au tac... Faut pouvoir le faire quand même, hein, d'aller comme ça. Mais j'en reviens pas qu'il faut si peu de temps, quoi. Enfin, c'est dingue, ça. Oui, mais c'est vrai que moi, je pensais que j'allais marcher 8 mois. Finalement, j'aurais marché 5 mois. Enfin, je suis parti 6 mois. Mais la marche, une fois que tu goûtes à ça, bon, il faut quand même... en ce qui me concerne, un millier de kilomètres avant de rentrer dans ce rythme. Une fois que tu touches à ce rythme, tu as l'impression que tu touches à quelque chose de primaire, quoi, de très ancestral, qui est ancré en toi. L'homme qui marche, c'est très symbolique aussi. Et dans toutes les religions ou dans toutes les grandes pensées philosophiques, la marche a quelque chose de fondamental, même au niveau anthropologique. La marche au long cours, c'est ce qui a permis de peupler le monde, quoi. C'est ce qui a permis de propager la connaissance. Et donc, en fait, quand tu regoutes à ça au long cours, tu peux plus lâcher ça, quoi. Et ça devient presque une frénésie. Après les Balkans, je marchais en moyenne 44 km par jour, et donc dans l'Anatolie, je titillais parfois les 70 km par jour. Enfin, pas tous les jours, hein. Je marchais pas tous les jours 70 km, mais il y a des jours où tu as une telle impression, de au travers de la marche au long cours, de recouvrer, enfin, ou de retrouver une part manquante, que ça devient presque une condition de vie, et que tu ne peux plus envisager autre chose que ça. Bon, peut-être que je suis un peu prédestiné à ça parce que mon nom, c'est Sébastien De Faux, et les initiales forment SDF. Donc peut-être que voilà, j'étais un peu prédestiné à ça, mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vrai que c'est pas en marchant là 2 minutes ou en prenant sa bagnole pour aller au coin de la rue chercher un paquet de clopes et garer la voiture à proximité que tu retrouves, tu regoutes à toute cette densité, quoi. Mais donc il faut oser faire le plongeon, quoi. Il faut oser plonger, il faut oser faire confiance, quoi. Oui, puis enfin, c'est pas obligé de passer par là non plus, hein. Il y en a qui n'aiment pas la marche, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est d'aller à la recherche de quelque chose d'intérieur, en fait. Après, chacun peut trouver sa combine, hein. Mais et donc j'imagine qu'en voyageant comme ça, en traversant plein de peuplades, plein de gens, rencontrant plein de gens, c'est la diversité, évidemment. C'est ce que tu expliquais au début aussi, de dire l'étranger. C'est ça qui est un peu qui me pose question. C'est l'étranger, on en a peur, et en même temps, on est content qu'il soit là parce que il va nous raconter des choses de là-bas, d'où il vient. J'imagine comme il y a 10 ans. En 10 ans, les choses quand même ont bougé. J'imagine que tu as peut-être dû rencontrer des endroits, ou alors je me fais vraiment des idées, mais où il n'y avait pas trop de télévision. Du coup, raconte un petit peu tout ça aussi, parce que tu avais l'air de dire que c'est en Syrie que c'est là que tu as rencontré les gens les plus fabuleux. C'est vraiment pas du tout tendance, hein, ça, de dire en Belgique, à Molenbeek, en plus, tu vois le lien. Je te laisse réagir. Oui, moi, ce qui m'avait frappé, c'est que, bon, c'est vrai qu'il y a le climat aussi, on vit dehors, quoi, on vit sur le pas de sa porte, en rue. Quand tu dis on, c'est qui en fait le on ? Là, quand j'ai traversé la Syrie, et donc, forcément, moi je marchais Je marchais avec mon bâton qui n'était rien d'autre qu'un manche de brosse, au fait, que j'avais subtilisé à ma mère. Bon, évidemment, je lui ai enlevé, j'ai enlevé la brosse. Tu lui as ramené au moins son balai? Je l'ai ramené, mais bon, la brosse, elle a quand même perdu entre 10 et 20 centimètres, quoi. Enfin, le manche de brosse. Et d'ailleurs, maintenant, elle ne veut plus l'employer, quoi, parce qu'elle dit que c'est devenu une relique, quoi. Mais donc, non, ben voilà, imagine-toi, t'es en train de marcher, là, et puis on te demande d'où tu viens, et puis tu expliques que tu viens d'Europe, et puis, ben voilà, il y a tout un échange qui s'installe, et puis... Mais en quelle langue vous parlez à ce moment-là? Mais en fait, c'était un peu toutes les langues, quoi. Je baragouinais un peu l'arabe, avec un peu de français. Ça a encore été un protectorat français. Et puis bon, en Syrie, okay, voilà, moi j'ai rencontré pas mal de gens en Syrie qui avaient fait un séjour à l'étranger. En fait, ça n'a jamais vraiment été un gros problème, la langue. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir aussi au niveau de la communication, c'est que 30% de la communication globale, c'est du langage verbal. Les 70%, c'est du non-verbal, c'est une attitude. Et puis j'avais mon journal de bord aussi, où tous les jours j'écrivais ce que je vivais. J'avais un petit appareil photo, j'avais des cartes. Donc j'avais vraiment beaucoup d'éléments qui me permettaient d'expliquer d'où je venais, ce que je faisais, etc. Parce que moi, je trouve ça important de causer avec quelqu'un. Regarde, là, maintenant, on ne parlerait pas la langue, on serait un petit peu... C'est sûr qu'il y a plein d'autres communications, comme tu dis, non-verbales, etc. Mais j'ai déjà réfléchi au truc, hein. C'est pour ça que je trouve ça tellement chouette de parler la langue, parce que sinon, ça se limite à manger, très bien, ça va, il fait beau, très bien. Et après, on se fait plein d'idées aussi sur ce qu'on voit, alors que, par exemple, si on peut discuter la même langue, on comprend mieux aussi pourquoi les choses se font, et on arrête d'interpréter tout le temps, même si on interprète toujours. Tu me suis un peu ? Oui, c'est clair. Mais bon, en même temps, là, c'était vraiment quelque chose de... c'était très chouette de vivre, même si, effectivement, c'était pas toujours une communication facile. Mais ce qui était quand même très chouette, c'est que moi, je me faisais accueillir. Et ceux qui... Enfin, mes hôtes, quand ils m'accueillaient, ils accueillaient l'étranger. Et c'était vraiment très chouette d'arriver le soir dans une famille. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est, en général, on me faisait asseoir dans le canapé du salon. Et puis, on allait chercher tous les gens du village. Et puis, il y avait un défilé de tout le village qui passait dans le salon pour voir qui était cet étranger, quoi. Et puis, bon, voilà, ça crée... Juste le voir, ça crée des scènes vraiment très cocasses, et puis finalement, il y a tout le monde qui commence à se marrer, et puis même si on ne comprend pas la langue, on se marre, quoi. Et qu'est-ce que ça fait du bien de se marrer ensemble, quoi, même quand on est différent, quoi. Et puis finalement, on commence à rire des mêmes choses, et puis on se rend compte qu'on n'est pas si différent que ça non plus, quoi. Mais pourquoi on serait différent, en fait? C'est ça aussi, qui dit ça, en fait? En même temps, il y a une différence et il y en a pas, mais fondamentalement, c'est vrai qu'on fait partie de cette même humanité commune, quoi. Bon, maintenant, il y a les sexes, il y a les âges et les appartenances sociologiques, philosophiques, religieuses qui font que dans notre parcours, on devient qui on est, et puis on n'est pas évidemment la reproduction de quelqu'un d'autre, on n'est pas des clones, quoi. Enfin, on n'est pas tous pareils non plus, heureusement, quoi. C'est ce qui fait aussi cette richesse, mais cette richesse, elle est parfois difficile à englober, hein, surtout si on fait partie, je sais pas, d'une communauté qui nous inspire pas confiance, y a toujours plein de raisons qui font qu'on se replie sur ce qu'on connaît et on se dit que l'autre, c'est plutôt la menace, quoi. Et donc ça, voilà, finalement, à force d'avoir peur de l'autre, on crée des dispositions qui nous empêchent vraiment d'aller vers l'autre, quoi. Oui, mais c'est cette question vraiment d'avoir peur de l'autre, au fond, Ben voilà, on va pas refaire toute l'histoire, mais en gros, bon, les gens, comme tu dis, ont toujours marché, parce que la base, ben, on a nos jambes pour marcher, et voilà, c'est très ancestral, ça, on marche, on voyage, mais tout le monde, j'imagine, ne voyageait pas comme nous voyageons maintenant, puisqu'aujourd'hui, bon, ben, justement, il y a les outils technologiques qui le permettent de le faire, de voyager, et du coup, j'ai l'impression aussi que c'est comme... Enfin, pourquoi on devrait avoir peur de l'autre, en fait, alors que ben voilà, tu expliques que ton accueil était vraiment... en gros, ça s'est toujours bien passé, malgré que dans chaque groupe ou communauté, on te dise à côté, c'est, fais gaffe. Est-ce que tu peux un petit peu essayer de nous expliquer, selon toi, hein, pourquoi ça se passe comme ça, en fait, pourquoi il y a cette idée que l'autre, il fait peur qu'il faut se méfier, que pourquoi en fait? Est-ce que c'est pas une construction aussi, et surtout dans nos sociétés modernes avec les médias, etc., qui fait que pour finir, enfin voilà, on a peur de l'autre. Mais je pense que quelque part, fondamentalement, on est câblé en tant que espèce humaine, enfin ou espèce naturelle, on est câblé comme ça, de sorte à reproduire ce qui fonctionne. C'est comme ça que les races survivent. Ça s'appelle la phylogénèse, c'est selon les lois de Darwin. Pour qu'une race survive, eh bien, elle doit constamment s'adapter et elle doit éjecter ce qui ne fonctionne pas, ou les stratégies qui ne fonctionnent pas. Donc quelque part, je crois qu'en nous, on a ce câblage de reproduire ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, ou du moins ce qui mène vers l'inconnu. Eh bien là, on se dit « Oh, attention, danger !» quoi. Darwin est remis en cause aussi, celui-là, hein. C'est l'idée, oui, en tout cas, moi, ce que j'aimais bien avec Darwin, préciser ça, c'est-à-dire que c'est un peu la loi, en gros, du plus fort, et il y a quelque chose, une idée qui vient aussi un petit peu contrer ces idées-là, c'est-à-dire que c'est pas forcément celui qui est le plus fort, mais celui qui est plus différent, celui... Tu vois, donc j'ai l'impression que... Enfin, après, on part dans un... Évidemment, dans des discussions un peu de ouf, mais comme si tout ça pourrait être une construction aussi, de se dire l'autre, en fait, il faut s'en méfier, alors qu'à la base, peut-être originellement, sans l'autre, on n'est pas grand-chose, quoi, tu vois. Alors, voilà, j'avais envie d'entendre. Mais non, d'office, sans l'autre, on n'est rien, quoi. On ne peut pas vivre sans l'autre. Mais non, on n'existe pas, en fait, tu vois, c'est ça que je me dis, bah, tiens, toi qui es parti comme ça, un peu ancestralement, marcher, rencontrer l'autre, les autres, évidemment toi-même aussi, hein, mais bon, j'avais envie de réfléchir là-dessus, est-ce que tout ça, au fond, n'est pas une construction, je me répète pour que ce soit un peu clair, de se dire qu'en fait... l'autre, la diversité, l'étranger, celui qui ne croit pas comme je crois, eh bien, il faut s'en méfier. Est-ce que tout ça n'est pas une construction au fond, même si Darwin, mais lui aussi, peut-être une construction, et même sa pensée peut-être transformée pour mieux garder cette idée que l'autre, les autres, il faut se méfier. Moi, ce que je pense, si j'ai pu aussi... tous les jours rencontrer les bonnes personnes, c'est que justement j'étais pas moi figé sur une position où je ne partais pas faire une croisade. Pour moi c'était plutôt une anti-croisade, c'était plutôt une marche de déconstruction, de certitude qui me permettait d'aller vers plus d'adaptabilité. De déconstruction et de certitude, là je comprends pas les deux mots ensemble. Mes certitudes, c'est par exemple attention, ou si je me basais que sur des certitudes, sur des choses que j'entendais, comme je l'expliquais là tout à l'heure, attention de l'autre, parce que, ou attention dans ce prochain pays, parce que là tu risques d'avoir des problèmes, si je ne me calquais que là-dessus, bah effectivement, je n'aurais pas plongé, quoi, je n'aurais pas été vers l'inconnu. Et donc, je pense que c'est intéressant aussi de sortir des sentiers battus, c'est intéressant de se mettre en déséquilibre, c'est intéressant d'embrasser la diversité de ce qui m'est étranger, parce que c'est intéressant de voir quand on est dans une dans un état d'ouverture à cet autre, ben c'est intéressant de voir cet autre aussi différent qu'il puisse être, qu'est-ce qu'il peut m'apporter et moi qu'est-ce que je peux lui apporter. Et quand ben voilà, deux êtres ouverts a priori se rencontrent, ben ce qui en découle, c'est souvent génial, quoi. C'est tout à fait inattendu. Moi, si j'étais assis sur une chaise et si je devais essayer écrire, si je devais essayer d'écrire un tel périple sans avoir voyagé, ben j'aurais jamais pu aller aussi loin dans la description de la richesse de l'éventail de l'humain, quoi, parce que je ne l'aurais pas expérimenté, parce que je n'aurais pas été aussi loin dans ce plongeon dans l'inconnu, quoi. Et ça fait du bien de plonger dans l'inconnu. Donc il ne faut pas avoir peur de l'autre, ce n'est pas la peine, surtout de nos jours. Là maintenant je fais un bond, mais de ce projet, de cette initiative, en fait, c'est créé Jorsala, c'est ça ? Oui, alors Jorsala, bon, c'est une petite association qui a vu le jour il y a quelques années. Et donc, qu'est-ce qu'on propose avec Jorsala? Bon, on a proposé deux marches. C'est un peu particulier ce qu'on a mis sur pied. En 2012, on a fait une marche de Bruxelles à Aix-la-Chapelle. Alors pourquoi Aix-la-Chapelle? Combien de kilomètres, ça, pour avoir une idée? Parce que je ne situe pas bien. C'est pas... C'est 150 ou 200, je ne sais plus très bien, en fait. Peut-être 200. Je suis très mauvais en chiffres. Hein. Je retiens très, très mal les chiffres. Et en fait, le but, c'était de partir avec des personnes qui, normalement, ne se côtoient pas vraiment ou ne se parlent pas. Au début, voilà, on est parti avec une soixantaine de personnes, des Flamands, des Wallons, des Bruxellois, des germanophones, des personnes croyantes, des personnes athées, des jeunes, des personnes aisées, des personnes moins aisées, des personnes âgées, des personnes de couleur. Comment vous préparez ça? Vous faites une offre pour... Comment vous mélangez tous ces gens, en fait? Alors, dans une marche. Voilà, en fait, ce qu'on a fait, on a contacté des associations qui représentent tel ou tel groupe de personnes, des personnes du troisième âge, enfin, je ne sais pas si on peut encore dire troisième âge, excusez-moi si la terminologie n'est pas bonne, non, je crois qu'il faut dire des personnes plus sages, donc je ne sais pas comment il faut dire, des personnes plus âgées, un peu plus âgées, disons. On a contacté des associations néerlandophones, on avait contacté une synagogue, qu'est-ce qu'on a fait? On a contacté un collectif athée, enfin bref, et toutes ces associations ou collectifs nous ont envoyé des gens. Et donc, ce qui fait qu'au début, eh bien, on était un groupe hyper bigarré, quoi. Et c'était très marrant parce qu'au début, les gens, ils restaient entre eux d'après leur appartenance identitaire commune, quoi. Et ça, c'était vraiment très marquant, quoi, de voir les Flamands entre eux, les francophones entre eux, des personnes d'une certaine couleur restaient entre elles. Enfin, bref, c'était très, très intéressant. Et donc, on avait 12 jours de marche, 12-13 jours de marche, et tous les soirs, on était accueillis dans un endroit très différent, qui n'avait rien à voir avec un autre. Le premier soir, on a été accueillis dans un centre de soins pour des personnes ayant un problème physique grave, qui en plus, outre ce problème physique, avait un problème aussi de vue, un autre problème physique. Et c'est vrai que tout le monde, en arrivant dans ce centre, était marqué par ce qu'on voyait, par ce qui se vivait. C'était magnifique. Et à un certain moment, eh bien, des résidents de ce centre nous ont proposé un concert, venir écouter leur concert, parce qu'ils avaient un band, enfin, ils avaient un groupe. Et alors là, ils nous ont fait plusieurs morceaux. Et là, dans ce groupe qui était encore assez morcelé, là, il y a eu une vague de fond, il y a eu une électricité qui nous a traversé, et puis tout le monde s'est mis à danser, à chanter. Ça a foutu le feu à la baraque, c'était extraordinaire, quoi. Le lendemain soir, on a été accueillis à Louvain dans une mosquée, où pour beaucoup de nos marcheurs, c'était la première fois qu'ils mettaient les pieds dans une mosquée. L'imam était super drôle, il disait, tiens, vous n'avez pas peur de mettre les pieds dans une mosquée, regardez bien s'il n'y a pas de gars avec une mitraillette ou avec un flingue. Enfin, il jouait sur les stéréotypes, quoi, mais vraiment en gros, quoi. Et c'était vraiment drôle, quoi. C'était magnifique. Ils nous ont offert le repas le lendemain soir. Enfin, le lendemain, on a marché dans les campagnes. Et c'était chouette de voir des jeunes quêtes de Molenbeek traverser les campagnes. Et puis, on est arrivé dans un château avec un baron qui nous accueillit. Et donc, il y a monsieur le baron qui accueillait les quêtes de Molenbeek, enfin, les quêtes de Bruxelles. Enfin, c'était extraordinaire. On a été accueillis dans un... Enfin bon, je t'épargne les détails des douze soirs. Mais on a été accueillis, par exemple, plus loin, au-delà de Liège, passé Verviers, on a été accueilli dans un centre d'accueil pour réfugiés, en fait. Et c'était extraordinaire parce que eux, ils nous ont accueillis, nous. Ils nous ont fait le thé, le café, ils nous avaient préparé des trucs à manger. Donc eux, ils nous ont accueillis, quoi. Bref, c'était extraordinaire de vivre cette déconstruction dont je parlais là tout à l'heure, de tous nos préjugés, de toutes nos peurs qui nous empêchent vraiment de goûter à cette humanité commune, quoi. Voilà, ça c'était pour la marche de 2012, et puis pour la marche de l'année dernière, Fichtre, d'il y a 2 ans, le temps passe vite, c'est en 2014. Fichtre, ça fait super longtemps que j'ai pas entendu ça, c'est super marrant, oui, Fichtre. Moi aussi, mais c'est parce que, tu vois, j'ai un micro devant la bouche, et puis là, il y a des... du coup, je me dis que je dois employer un beau vocabulaire, enfin, non, un vocabulaire que j'emploie jamais, quoi. Fichtre, je me demande bien où j'ai... C'est peut-être dans Tintin, un vieux Tintin, je pense. Enfin bon, peut-être qu'on peut davantage utiliser les anciens mots, pourquoi pas, quoi. C'est peut-être mon côté un peu rétro. Surtout à la radio, ça donne bien, je trouve. Ouais, à fond, quoi. Voilà, 2014, voyage extraordinaire. On est parti depuis Ypres. Donc en 2014, Ypres, ça faisait 100 ans que la ville avait été complètement rasée par les bombes de 1914. On trouvait que c'est intéressant de démarrer notre périple au travers de l'Europe à Ypres pour rejoindre Istanbul, quelques 3 ou 4 000 kilomètres plus loin. Encore un voyage de dingue, ça. Encore un voyage de dingue, mais cette fois-ci, je ne l'ai pas parcouru moi-même. J'ai fait marcher d'autres. Enfin, on a fait marcher d'autres. C'est notre petit collectif qui a organisé ça, le collectif Jorsala. Groupe de combien alors ? Oh, on est une demi-douzaine à organiser tout ça. Enfin bon, en fait, on est des bénévoles. Enfin, on est tous bénévoles d'ailleurs. Et donc, en 2014, on a décidé de mettre sur pied la marche ouest-est, de faire partir des personnes aussi issues de part et d'autre de lieux de fracture depuis Ypres et de traverser cette Europe aussi avec tant de couleurs, tant de cultures, tant d'histoires différentes, tant de langues, de dialectes, d'origines distinctes, et de traverser toute cette Europe à pied. En tout, il y a eu plus d'une centaine de personnes, je pense, qui ont marché. Et le but, c'était aussi d'inviter de part et d'autre de lieux de fracture, de lignes de fracture, des personnes à nous rejoindre, à marcher avec nous, afin de vivre cette expérience de rencontre. Mais quand tu parles de lignes de fracture, c'est quoi les frontières? Moi, ça me fait penser à ça. C'est quoi les lignes de fracture? Des lignes de fracture, bon, c'est surtout lignes de fracture actuelles, c'est encore dans les Balkans, quoi. C'est par exemple des communautés, chrétiennes face à des communautés musulmanes. Je pense par exemple à Mostar, cette ville très très belle en Bosnie, avec ce très beau pont qui a été détruit pendant la guerre des Balkans, où d'un côté il y a des catholiques et de l'autre côté il y a des musulmans. Et il y a une grande école à Mostar, et plutôt que de permettre aux enfants catholiques d'aller à l'école ensemble avec les enfants musulmans, les politiques locales décident de faire des horaires pour les catholiques et pour les musulmans, si ça c'est pas une ligne de fracture. Donc on est passé par des endroits pareils, on est passé par Sarajevo, on a traversé Kumanhavo, je pense, et ça se dit comme ça, c'est à la frontière avec la Serbie, Kosovo, où à chaque fois, voilà, il y a des checkpoints aussi, où on nous met en garde pour le prochain pays. Bref, nous, on était une somme de citoyens ouverts à la rencontre d'autrui. On voulait traverser ces régions aussi et vivre physiquement cette différence, mais cette altérité. Est-ce que tu crois que des voyages comme ça, ça s'est fait en 2014, mais avec ce qui se passe là dans le monde en ce moment, est-ce que tu crois qu'un voyage comme ça serait encore possible d'aller se balader, marcher? Quand je dis se balader, entendons-nous bien, hein, mais voilà, c'est quand même marcher tranquillement. Vous ne devez pas vous battre pour survivre, quoi. C'est vraiment aller à la rencontre de l'autre. Alors évidemment, il y a une grande différence avec ce que nous on propose, les marches qu'on propose et les voyages forcés qu'on voit actuellement avec les réfugiés qui, eux, marchent dans le sens inverse du sens vers lequel nous on allait. Nous, on marchait à la rencontre de l'Orient, de l'Ouest vers l'Est. Donc maintenant, on voit qu'il y a des personnes qui, eux, n'ont pas choisi, ne font pas juste une balade. Eux, c'est pour grand nombre d'entre eux, c'est une marche pour vivre, pour survivre. Je pense souvent, je pense tous les jours à eux, forcément. Et puis ici, à Molenbeek aussi, on est confronté à cette réalité, là aussi, non pas au travers des médias, mais physiquement. On voit que les frontières s'érigent à nouveau, quoi. Évidemment, cette marche telle que j'ai pu le faire moi dans ma plus grande liberté, malheureusement, ce ne serait plus possible, parce que là, on est face à cet afflux d'étrangers, et j'emploie ce mot étranger parce que c'est ce mot qui est véhiculé par beaucoup de gens d'une façon péjorative, en désignant l'étranger comme étant la menace, quoi. Bon, évidemment, il y a peut-être des personnes mal intentionnées parmi ces réfugiés, mais je pense à toutes ces familles qui fuient maintenant et qui traversent les Balkans où il fait moins 10, moins 20, il y a des gosses qui crèvent de froid, et puis nous on est là en train de nous plaindre parce qu'on se dit attention, les étrangers arrivent, mais ce qu'on oublie en voyant ça, on est nous-mêmes étrangers, quoi. On est toujours étrangers pour autrui, quoi. Et c'est en restant dans cette dynamique-là, dans cette fermeture-là, on risque vraiment de se couper nous-mêmes de notre propre humanité. Et Georges Sola, alors, pour faire le lien quand même, va continuer ou... Alors, bon, actuellement, c'est vrai qu'il y a un petit stand-by parce qu'on est tous des bénévoles et puis on boulotte tous, donc c'est pas toujours évident de mettre énormément de temps... Dans de projets pareils, même si on essaye. Mais au fait, Georges Sala a tout à voir avec ça, vu que Georges Sala prône l'ouverture à... Avec quoi ça, en fait? C'est ça que... Avec l'autre. Georges Sala prône l'ouverture à la différence, à l'altérité. Jursala essaye de créer des ponts là où il n'y en a plus beaucoup et là où il y a une tendance à ériger des murs. Donc nous, au travers de nos marches, on essaye de surplomber ces murs qui s'érigent un peu partout. En invitant justement des personnes de part et d'autre de ces fractures ou de ces murs qui s'érigent à vivre cette expérience de rencontre. Jursala, pour l'instant, ben voilà, on est en réflexion, on essaye de voir comment on peut continuer, même si ça devient de plus en plus difficile de traverser l'Europe parce que les frontières se ferment. On est en phase de réflexion. Et puis, si parmi les auditeurs il y a des idées, il y a des suggestions, eh bien, ils sont évidemment les bienvenus de s'exprimer. Mais c'est quand on s'ouvre à cet autre. Notre faculté de nous ouvrir à cette différence, à l'autre, eh bien, c'est avant tout un espace de liberté qui se crée entre l'autre et soi-même, où de nouvelles perspectives peuvent germer. Et je pense que dans un monde actuel, de nouvelles perspectives positives sont certainement les bienvenues. Merci Sébastien Fauze. De Fauze. De Faux, c'est ça, hein ? Ouais, De Faux, ouais. Il y a un Z ou rien à voir ? Ben, il y a un Z. Les Flamands disent de Fauze et les Wallons disent de Faux. Bon, ben enchanté, Sébastien.